بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on est toujours dans باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc celui qui a accompli التوحيد complet, il rentre au paradis sans jugement et donc sans châtiment. Et ça, on avait dit que les gens qui sont concernés par cette récompense-là, c'est ce qu'on appelle « السابقون بالخيرات ». Donc ceux qui, en plus d'avoir délaissé toutes sortes de shirk, akbar, asghar, en plus de ça, ils délaissent c'est des gens qui ne persistent pas sur le péché, ou dans le péché plutôt, et qui en plus de ça ajoutent le fait de faire certains actes, de dire certaines paroles qui sont à la base pas obligatoires. Ils font partie de al-mustahabbat, al-mandoubat, choses recommandées, et de délaisser certaines choses qui sont makruh, donc blâmables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la base interdites, mais qui sont blâmables. Comme on va le voir aujourd'hui, inshallah, dans les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité à propos d'eux dans ce hadith-là, dans ce long hadith. Donc, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, muttafaq alayhi, donc hadith sahih dans le Bukhari et Muslim. Et on était arrivé, donc on avait commencé à lire le début du hadith. Et on est arrivé donc au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah jalla wa alayhi lui a exposé devant lui al-umam, donc les communautés, chacune suivant son prophète, et qu'il a vu une foule énorme, et on lui a dit que cette foule là c'était sa communauté, et que parmi eux il y avait 70 000, donc ces fameux سَبِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ, qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné cette information-là, il est rentré chez lui. Et là, on a vu que les compagnons, ils ont discuté entre eux, et chacun, il a émis une hypothèse concernant ces gens-là, et ils ont cherché entre eux, qu'est-ce que ces gens-là ont bien pu faire ou dire pour mériter cette récompense-là. Et donc on avait cité ce qu'ils ont dit, entre autres que c'est peut-être des gens, peut-être ce sont les gens qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit c'est peut-être ceux qui sont nés dans l'islam, c'est-à-dire qui n'ont jamais été dans le shirk et qui ont vécu sur l'islam, sur le tawhid, et qui sont morts comme ça. Ils n'ont jamais été dans une autre religion, la shirk, comme l'ont été d'autres qui ont connu l'islam et qui se sont convertis après. Bon, on a vu qu'il y en a certains, ils ont répondu à ça, etc. Là, on est arrivé donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il ressort de chez lui. Il est ressorti de chez lui. Donc, il dit dans le hadith, فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ressorti chez lui, et là ils l'ont informé de quoi? De la discussion qu'ils ont eue, des hypothèses qu'ils ont évoquées concernant ces gens-là que le professeur sallam il a décrit. سَبِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ, c'est 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. On a vu dans une riwaya rapportée par l'imam muslim, que مَعَ كُلِّ وَحْدٍ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا, c'est-à-dire qu'avec chacun d'entre ces 70 000, Allah subhanahu wa ta'ala, il ajoute 70 000. Donc ça fait 70 000 fois 70 000 en réalité. Et on a vu aussi que la majorité de ces gens-là, ils font partie des trois premières générations. القرون المفضلة، الكومبانيون، التابعين، etc. Que plus le temps avance et moins il y en a. Il y en a toujours, il y en aura toujours, mais il y en a beaucoup moins qu'au début de la révélation et les premiers siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a loué. Lorsqu'il a dit يعني, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc là, il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité quatre choses. هم الذين لا يسترقون. Ce sont ceux qui ne demandent pas à quelqu'un d'autre de leur faire une ruqya. ولا يكتوون. C'est ceux qui n'utilisent pas ce qu'on appelle el-kay. El-kay, c'est la cautérisation. C'est le fait, lorsqu'une plaie elle est vraiment très ouverte, elle saigne beaucoup, ils utilisent ce qu'on appelle el-kay, la cautérisation. C'est le fait de chauffer une pièce, souvent métallique, et de l'appliquer sur la plaie pour la refermer. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, ça la cicatrise. On appelle donc el-kay. ولا يكتوون ولا يتطيرون. Et ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle, on verra ça dans un chapitre plus loin, inshallah ta'ala, at-tiyara. At-tiyara, on verra que c'est une sorte de shirk asghar. C'est les Arabes avaient pour habitude d'observer les oiseaux, même d'autres choses, mais surtout les oiseaux ou certains animaux. Et en fonction de leur déplacement, en fonction de leur cri, etc., ils déterminaient des choses. Il y a un oiseau qui passait, qui criait d'une certaine manière, ou qui partait dans une certaine direction. Voilà, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. C'est-à-dire qu'ils prenaient ça comme sebeb. Ils prenaient ça comme sebeb pour déterminer quelque chose. Bien qu'ils, comme on le verra, ils n'avaient pas la croyance que c'est... que l'oiseau, en faisant ceci ou cela, il crée quelque chose ou qu'il engendre de lui-même, un mal ou un bien. Ils savent que ça vient d'Allah Azza wa Jal, comme ça vient dans le Coran, mais ils prenaient ça comme sabab. Donc ça fait partie du shirk asghar. Quatrièmement, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et qui s'en remettent uniquement à Allah Jalla wa Ala, qui se reposent sur Allah et qui placent leur confiance en Allah pour obtenir ce qu'ils veulent, sur rien d'autre. Donc ça, c'est les quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou là, les quatre caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité concernant ces gens-là. As-sabiquna bil khayrat, c'est 70 000. Ou c'est 70 000 fois 70 000 si on prend la riwaya de l'imam muslim. Donc le muhashi ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, fa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbaruhu. بما تفاوضوا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. Donc ils l'ont informé sur les hypothèses qu'ils ont émises concernant ces 70 000. C'est-à-dire que chacun est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il veut avoir la réponse. Il est curieux de savoir qui sont ces 70 000 et si l'hypothèse qu'il a évoquée elle est juste. فقال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون. Ici c'est الشاهد, ce qu'on appelle الشاهد du hadith, ou ce qu'on appelle الشاهد, c'est-à-dire que pourquoi Saïd ibn Jubair il a cité ce hadith là d'Ibn Abbas, parce qu'on se rappelle que son élève Hussein ibn Abdurrahman il a été piqué pendant la nuit et qu'il a cherché quelqu'un pour faire une ruqya et qu'il a utilisé comme dalil pour ça le hadith de Bouraïd ibn al-Husayb, la ruqyata illa min aynin wa huma. N'a pas de ruqya, pas de ruqya plus efficace, comme on avait expliqué le hadith, que la ruqya pour l'ayn, c'est quelqu'un qui a été touché par le mauvais œil, ou pour l'huma, c'est-à-dire les piqûres d'insectes ou de serpents, etc. Lui, il a ce hadith-là avec lui, mais Saïd, il lui dit, il lui a fait remarquer que il a bien fait, qad ahsana. comme il a dit ça à nouveau, Qad Ahsana, Maninta il est ma Samia. C'est-à-dire qu'il a eu une science, il l'a mis en pratique. Mais Saïd ibn Jubair, il veut lui montrer qu'il a mieux. Et donc, il a cité ce hadith. Et là, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant ses 70 000, il dit qu'il cite, la première caractéristique qu'il cite, c'est quoi? La yastarqoun. Il ne recherche pas quelqu'un pour leur faire une ruqya. Donc, ce qu'il a fait Hussein, c'est juste. Il a le droit, c'est juste, mais il y a mieux. Si vraiment tu veux faire partie de ces gens-là, d'avoir les caractéristiques de ces gens-là, tu laisses pas la ruqya, yani mutla bil kulliya. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre aller, il va expliquer après pourquoi, il y a une différence entre demander à quelqu'un qu'il nous fasse une ruqya et entre, par exemple, faire une ruqya sur soi-même. Quelqu'un peut faire une ruqya sur soi-même, réciter les versets sur soi-même, invoquer Allah Azza wa Jal pour soi-même. Ça rentre pas, on verra, ça rentre pas dans le hadith, du moins sur la riwaya de l'imam al-Bukhari. On va voir qu'il y a une différence entre la riwaya de l'imam al-Bukhari et la riwaya de l'imam muslim. Dans le hadith concernant ici al-istirqa, ou al-yastarqun. Na'am. Donc, لا يسرقون يقول أي لا يطلبون من يرقيهم. On sait que les verbes, en général, qui ont la forme استفعل, c'est طلب الفعل. Ça a le sens de طلب الفعل. Par exemple, استفسر طلب التفسير. Ou par exemple, استعاذة ou استعاذة طلب العوض. Ist'ana talab al-aoun. Ist'agatha talab al-ghawth. En général, c'est le sens de talab. Donc ici, l'istirqa ou istarqa talab al-ruqya. C'est le fait de demander ou de chercher quelqu'un qui puisse vous faire une ruqya. Donc, ay la yatlubuna man yaraqihim. Istislamana lil-qada wa talazuzana bil-bala. C'est-à-dire que ils ne demandent à personne de leur faire une ruqya et ils se soumettent pleinement au qada et au qadar. C'est-à-dire que cette personne-là, elle sait que qu'Allah Jalla wa Ala, il a prédestiné cette chose, qu'il se fasse, qu'il soit touché par un mal. Et qui peut être soigné par une ruqya, mais il préfère délaisser le fait de demander à quelqu'un de faire une ruqya. Pourquoi? Tawakkulen. Ça c'est important. C'est pas juste yani patienter sur la douleur, ne pas se plaindre de la douleur s'il est touché par un mal, comme c'était le cas de Hussein. Puisqu'il a été piqué par un scorpion, par un serpent, on ne sait pas, mais il a été piqué, donc c'est douloureux. Ce n'est pas le fait simplement de patienter, okay, c'est le fait d'accepter le qadar. Allah Jalla wa Ala, il a prescrit ça, il a écrit ça, ok. Le fait de patienter, puisqu'on sait que la patience, c'est obligatoire, contrairement à Rida, on avait vu la différence dans le Wasiti, à Sabr, c'est obligatoire la patience, c'est le fait de patienter, de ne pas se plaindre, de. Dans la mesure du possible, c'est obligatoire. Par contre, rida, le fait d'être satisfait de cette chose-là, de ce mal qui nous a touché, ça, c'est un degré supérieur. Ça, c'est mustahab, mandoub. Mais ici, ce qui est voulu, c'est que cette personne-là, elle délaisse le fait de demander à quelqu'un une ruqya, tawakkulan ala Allah. C'est-à-dire, il se repose uniquement sur Allah. Il ne détourne pas son cœur. Il ne détourne pas son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dirige sa face vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repose sur Allah pour qu'Allah jalla wa ala, il le guérisse de ce mal-là. Parce que comme il va le dire, dans le fait de demander quelque chose à quelqu'un, même si à la base c'est permis, il y a toujours un écartement, même s'il est léger, d'Allah subhanahu wa ta'ala. y a le fait de s'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se diriger vers quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre, il est capable de nous aider, s'il n'est pas capable, shirk, aslan. Mais s'il peut nous aider, il est capable de le faire. Dans le fait, dans la demande, il y a toujours le fait de montrer son besoin à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu concernant ces 70 000-là, c'est ça. C'est des gens qui ne détournent leur visage vers personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui mettent tout leur tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit istislaman il qad wa talazzuzan bil bala. Allahu alam, s'il avait dit tawakkulan ala Allah ta'ala, Allahu alam, c'est plus juste. Parce que ici, comme il va le dire, c'est que tawakkul, ce qu'il cite en quatrièmement, tawakkul, ça regroupe en fait les trois choses qu'il a citées avant. Il va le dire après, inshallah. Il dit wa hakaza thabata fi sahihayn. C'est-à-dire que cette riwaya avec la yastarqoul, on la retrouve dans le Bukhari et Muslim. Non. Et wa fi riwayatin li muslimin. Dans une riwaya de l'imam Muslim, ya wa la yarqoul. C'est-à-dire, le professeur sallam, il aurait dit wa la yastarqoul wa la yarqoul. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ferait partie des sifats de ces 70 000-là, qui non seulement qu'ils délaissent le fait de demander à quelqu'un d'autre une ruqya, mais qui délaissent la ruqya bil kulliya. C'est-à-dire, ils font pas de ruqya. Pas de ruqya, du tout. Si, avec, sur le sens de cette riwaya-là. Wala yarqoul. Qala Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il met un commentaire sur cette riwaya qui est rapportée dans Sahih Muslim. Il dit هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. Rapporté par Muslim, ça aussi. وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله تعالى بقلبه والراقي محسن وإنما المراد وصف 70 ألفا بتمام توكل فليسألون غيرهم أن يرقيهم. Non. Donc, comme on l'a dit, dans une riwaya de l'imam Muslim, il rajoute wala yarqul. La yastarqul wala yarqul. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas du tout, il délaisse la ruqya totalement. Que ça soit la demander à quelqu'un d'autre ou que ça soit la faire sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que cet ajout, c'est-à-dire la parole « wala yarqoul », il dit ça c'est une erreur d'un des rapporteurs dans la chaîne de transmission du hadith. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit « wala yarqoul ». C'est-à-dire qu'il ne pratique pas du tout la ruqya. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que là, le shir, on voit qu'il va utiliser des hadiths, d'autres hadiths, pour montrer que cette riwaya de l'imam muslim, cette ziyadala wa la yarqoun, elle est fausse. Et qu'il y a un des rapporteurs dans la chaîne de transmission qui a rajouté ça, qui s'est trompé. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé concernant la ruqya. Et il a dit, celui qui peut faire du bien à son frère, c'est-à-dire en lui faisant une ruqya, qu'il le fasse. Et il a dit aussi, il n'y a aucun mal à la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk. Si dans la ruqya, il y a le fait d'invoquer d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., bon, khlas, de shirkiya, on discute pas. Et surtout, là où on a le délil le plus fort, wallahu alam, donc dans le premier hadith, on comprend quoi? Man istata'a minkum an yanfa'a akha faly'af'al. Celui qui peut profiter à son frère, lui faire du bien, qu'il le fasse. Or ici, faly'af'al, le lam, on l'appelle lam al-amr. C'est un ordre. Donc l'ordre, même s'il est, on va dire, s'il est à la wajh al-istihbab, c'est au minimum, la ruqya, ça va être au minimum mustahab. Ça va être au minimum mustahab la ruqya. Donc le fait de faire la ruqya, si c'est un acte mustahab, au minimum mustahab, on ne peut pas dire que ça, on va dire, ça contredit les caractéristiques de ces 70 000. On sait que ces 70 000, c'est des gens qui, après les obligations, ils rajoutent des actes surérogatoires. Et ils délaissent des choses qui sont makruh. Or, la ruqya, là-bas, c'est mustahab. Tu fais la ruqya à ton frère, qui est atteint par une maladie qui peut être soignée par la ruqya. Tu lui fais une ruqya, c'est mustahab. Tu es récompensé par Allah Azzawajal. Donc, on voit bien que ça ne contredit pas ces fameuses caractéristiques que doivent adopter ces gens-là pour faire partie des 70 000, pour réaliser un tawhid complet. Ça, c'est dans le premier hadith. Dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La ba'sa bi ruqa iza lam takuna shirka. La ba'sa bi, là, on comprend que c'est au moins mubah. Dans ce hadith-là, on comprend que c'est au moins mubah. Tant qu'il n'y a pas de shirk. Or, le fait de faire al-mubahat, de faire des choses qui sont permises, ça ne contredit pas non plus les sifat des 70 000. Puisque ce qui va contredire ces sifat-là, c'est quoi? C'est le fait de faire des choses qui sont macro. Le fait de faire des choses qui sont macro. Et ce qui est macro ici, c'est le fait de demander la ruqya. Comme il va le dire. Pas le fait de la faire. Le fait de la faire, si c'est permis ou si c'est même mustahab, on voit que ça ne contredit pas les caractéristiques par lesquelles sont décrits as-sabiquna bil khayrat. Et le hadith le plus fort, c'est établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué la ruqya sur ses compagnons. Donc si on dit que pour faire partie des 70 000, pour rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment, il faut délaisser des choses qui sont makruh, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a pratiqué la ruqya sur ses compagnons, ça voudrait dire quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pratiqué une chose qui l'empêche de faire partie des 70 000. Alors ça c'est batil. Clairement c'est batil. Et Jibril alayhi salam aussi, il a pratiqué la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été victime de sihr par certains juifs de Khaybar. Allah alam, si mes souvenirs sont bons. Et ici, il donne l'explication. Quelle différence entre al-istirqa, le fait de demander la ruqya, et al-ruqya, le fait de faire la ruqya? Il dit, la différence, c'est que raqi, celui qui pratique la ruqya, ou la différence entre les deux, c'est que celui qui la demande, al-mustarqi, celui qui demande la ruqya, il est une demande. Il se détourne par son cœur d'Allah Jalla wa'ala. Il y a quelque chose, le fait de se détourner, de détourner sa face d'Allah Jalla wa'ala et de montrer son besoin à quelqu'un d'autre que lui. Même si celui à qui on demande, il est capable de nous donner ce qu'on lui demande. Mais c'est pour ça qu'à la base, l'islam, il y a des hadiths, même dans le Coran, à la base, l'ikhlas, c'est le fait de rien demander à un autre qu'Allah Jalla wa'ala. Même quelque chose qui est permis. Il y a un hadith, Allahu alam, qui est rapporté, il me semble, par. Je sais plus par qui il est rapporté, subhanallah. Faudrait que je le retrouve. Même l'authenticité, Allahu alam, je l'ai pas en tête là, mais le sens du hadith, il dit Bayya'na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala alla nas'ala ahadana shay'an. On a fait serment d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rien demander à personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que c'est rapporté par exemple que lorsqu'un il était sur son cheval, il a par exemple son épée qui tombe ou quelque chose qui tombe du cheval et il y a son compagnon, il est juste à côté du cheval, par terre, sur le sol. Il a le truc qui est tombé juste à côté de lui. Il lui demande pas. Il descend du cheval, il récupère son truc, il remonte sur le cheval sans demander à celui qui était juste à côté. Ça, c'est la base en islam, c'est le fait de rien demander. Après, évidemment, lorsqu'il s'agit de nécessité, de choses, d'une nécessité, le hukm change. Mais la base, c'est ça. Et là, ça revient à ça. Parce que dans la demande, il y a toujours le fait de se détourner d'Allah Jalla wa Ala et de montrer son besoin vers un autre que lui, à un autre que lui. C'est du multafit, multafitun ila ghayrillahi biqalbihi. Il se détourne d'Allah par son cœur, en demandant quelque chose à un autre que lui. Il dit alors que Raqi Muhsin, Raqi, lui, celui qui fait la ruqya, lui, il est Muhsin, c'est un bienfaiteur pur, il ne demande rien à personne. Lui, il va lire des versets, il va invoquer Allah Azza wa Jal, il va s'adresser à Allah, il va invoquer Allah pour guérir ce malade-là. Et il dit, est-ce vraiment ce qui est voulu dans la description de ces 70 000-là, c'est le tawakkul complet. C'est vraiment le fait de s'en remettre totalement à Allah Azza wa Jal dans tout ce qui nous touche ou dans tout ce qu'on demande. Et de rien demander et de ne se reposer sur personne d'autre. Comme c'est le cas de celui qui va demander la ruqya. Encore une fois. Donc ça, c'est pour la première caractéristique. La yastarqoun. La deuxième. Wala yaktawoun. Wala yaktawoun. Yaktawoun, comme on a dit, bon, on va voir ce qu'il dit là. Ay la yas'aluna ghayrahum an yakwiyahum. كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم وقوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم والكي في نفسه جائز في الصحيح كما في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكوى وكوي أنس يعني ابن مالك من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي رواه البخاري وفي الصحيح عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في الثلاث شربة عسل وشرطة محجب وكية نار وأنهى أمتي عن الكي وفي اللفظ وما أحب أن أكتويا قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته والثالث الثناء على من ترك والرابع نيعا ولا تعارض بينها الفعل يدل على الجواز وعدم محبته لا يدل على المانع منه وما الثاني على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل أي في تحقيق التوحيد فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس وما النهي عن فعل السبيل الاختيار والكراهة Donc concernant le key, alors le key, il y a deux paroles. Il y en a, ils disent que Il y en a qui disent quoi? Il y en a qui disent que walay yaktaoun, ça a le même sens que walay yastarqoun, c'est-à-dire que ils ne demandent pas à quelqu'un d'autre de pratiquer sur eux la cautérisation. Il y en a d'autres qui disent non. Le sens ici, c'est ils délaissent le kay bil kulliya. Ils ne font pas de cautérisation. Ils ne font pas de cautérisation. Ils n'utilisent pas la cautérisation. Encore une fois, la cautérisation, c'est le fait d'utiliser. En général, Allahu alam, il me semble qu'ils utilisent un métal chauffé pour l'appliquer sur une plaie. Souvent, c'est des grosses plaies qui saignent beaucoup et qui ont peu de chances de cicatriser, comme ça seul. Oh, biiznillah, taba'an. Mais c'est des plaies qu'il faut intervenir dessus pour les fermer et pour éviter qu'il y ait un saignement trop important qui puisse entraîner un état grave ou la mort. Comme on va le voir dans le hadith qui cite après le hadith d'Anas. Donc, d'abord il dit, Ey, la yas'aluna ghayrahum an yakwiyahum. Il y en a qui disent c'est le fait de demander à quelqu'un d'autre qu'il pratique le kay sur nous-mêmes. Il y en a d'autres qui disent non. Ils disent c'est le fait de délaisser le kay complètement. Et là, il dit, wa le kay fi nafsihi ja'iz. Le kay, à la base, c'est permis. Il ramène quelques dalils pour montrer ça dans Sahih Muslim. Il y a un hadith de Jabr ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à Ubay ibn Ka'b un médecin. Ce médecin-là, il a coupé, donc il a ouvert, je ne sais pas quelle partie du corps de Ubay, et il a donc bon, il avait une plaie qui saignait beaucoup, et il l'a cautérisé, le médecin. Il l'a cautérisé. Non. Après, est-ce qu'on comprend du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé au médecin de cautériser Ubay? Il a envoyé un médecin. Est-ce qu'il a dit au médecin tu vas là-bas et tu cautérises Ubay? Allahu alam. Faut regarder dans le charh du hadith. Wa kuya anasun min dhat al-janbi. Zat al-Janb, ils disent, dans le Fath al-Majid, il me semble qu'ils donnent l'explication, c'est une grosse plaie, une grosse, Allah alam, sur le flanc, qui saigne beaucoup, et en général, bon, la personne qui est touchée par ça, elle ne survit pas. Et ils ont pratiqué le kay sur Anas ibn Malik. Là, il veut montrer quoi? Il veut montrer que le kay, à la base, c'est permis. Ça a été pratiqué par certains compagnons ou sur certains compagnons du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il n'a pas, même si on va voir dans les hadiths qui suivent là, que Allahu alam, le kay, c'est, qu'on peut comprendre que le kay, c'est makruh. C'est makruh. Non. Ça, c'est le hadith de Anas. Et il y a le hadith de Abdullah ibn Abbas, fils Sahih aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la guérison, elle est dans trois choses. Dans le fait de boire du miel ou de manger du miel, dans al-hijama et dans al-kay. Donc la guérison, elle est dans ces trois choses. On sait d'ores et déjà que de ces trois choses-là, elles ne sont pas haram. Puisqu'il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah jalla wa ala n'a pas mis de remède dans quelque chose qui est haram. Comme certains y prétendent que pour soigner telle ou telle maladie, tu bois une petite quantité d'alcool, etc. C'est bâtel. Prophète sallam, il dit Allah jalla wa ala, il n'a pas placé dans quelque chose qui est haram de remède. Pas de remède dans le haram. Donc déjà, ici, on sait que le kay, c'est pas haram à la base. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa anaha ummati anil kay. Wa anaha ummati anil kay. Et j'interdis à ma communauté le kay, le fait de faire le kay, la cautérisation. Donc là, dans le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la guérison, elle est dans trois choses, et on sait avec d'autres ahadiths que Allah, comme on l'a dit, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas placé dans une chose qui est haram un remède. Ça, même dans les médicaments, si un médicament il est fait ou il est fait d'une matière haram, on sait qu'il n'y a pas de remède là-dedans. Or, le professeur Salam, après ça, il dit que le kay, il y a un remède dedans, donc c'est pas interdit, mais malgré cela, il interdit. Il dit, wa ana ha ummati an al kay. Et j'interdis à ma communauté d'utiliser la cautérisation, le kay. Wallahu alam, ce qu'on comprend de ce hadith-là, c'est que c'est ce nay-là, cette interdiction-là, c'est quoi? Nay al-karaha. Makro. Que c'est makro. Parce qu'on a d'autres hadiths qui montrent que le kay a été pratiqué. Mais en même temps, le professeur sallam, il l'interdit. Les ulama, ils réunissent les nusus, les hadiths, et ils mettent un hukm. C'est que, wallahu alam, ce qu'on comprend, c'est que le kay, il est interdit, une interdiction, yani de karaha, yani makro. C'est blâmable, c'est à ne pas utiliser, mais ça n'atteint pas le hukm du haram. Wa fil lafz, وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي. Et là, dans un hadith, il dit, et je n'aime pas l'utilisation de le kay. Parce que ça, il n'aime pas ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de le kay, donc on a vu, il y a plusieurs sortes de hadiths, et il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les ahadiths. Donc si on regarde, si on prend les ahadiths, on voit que une fois, il dit ahaduha fa'alahu. Il dit qu'il l'a fait. Allahu alam, dans les ahadiths qu'on a vus, on voit pas de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait lui-même. Allahu alam, il doit parler d'un autre hadith parce que dans les hadiths qui sont cités là, le prophète sallam, il l'a pas fait lui-même. Il a envoyé un tabib, un médecin à Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui l'a fait, qui l'a pratiqué sur Ubay. Donc le tabib, c'est lui qui l'a pratiqué. Il dit que Anas, le hadith où Anas ibn Malik, dans le Bukhari, Anas ibn Malik, on a pratiqué le kay sur lui, et le prophète sallam, il était vivant. Pas le prophète sallam qui l'a fait. Non plus. Donc il dit ahadwa fi'aluhu, mais je pense pas qu'il parle du professeur sallam ici, c'est une mauvaise compréhension de ma part. Fi'aluhu, c'est-à-dire que le kay il a été fait, mais pas par le professeur sallam. Il n'a pas été fait par le professeur sallam. Athani adam mahabbati, le professeur sallam il n'aimait pas ça, comme il dit dans le hadith qu'on a vu à la fin, wa ma uhibbu an astawiya. On a aussi athana ala man tarakahu. On a aussi Athane ala man tarakahu, c'est-à-dire que il y a le fait de féliciter celui qui le délaisse. Féliciter celui qui le délaisse, ça, wallahu alam, il vise notre hadith. Allazina liyastarqun wa la yastawun. Donc le prophète sallam, il complimente celui qui le délaisse. Liyastarqun wa la yastawun. Là, il parle de ce hadith-là. Donc dans Fi'aluhu, il parle du hadith certainement de Ubay ibn Ka'b et le hadith de Anas ibn Malik. Dans Adam Mahabbatihi, le fait qu'il n'aimait pas ça, c'est la riwaya qu'on a vu, ou Mahabba Naktawiya. Mahabba Naktawiya. Et dans Sana ala man tarakahu, le fait de complimenter, que le professeur sallam il a complimenté celui qui le délaisse, c'est notre hadith, hadith al-bab. Li yastarqun wa li yaktawun. Et enfin, et enfin l'interdiction que le kay, comme ça vient dans le hadith d'Ibn Abbas, Donc, Farir, et j'interdis ma communauté de pratiquer le kay. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de contradiction entre les hadiths. C'est-à-dire que, encore une fois, les ulama de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, comme on en avait parlé dans le Wasitiya, comme on en a déjà parlé maintes et maintes fois, toujours, ils réunissent tous les adillas qui concernent un sujet. Tous les nusus, tous les textes qui concernent un seul même sujet, ils les regroupent. Et ils essayent de comprendre tous les textes et de donner à chaque texte son droit. Et d'émettre un hukm, un jugement, qui s'adapte à tous les textes. Alors, bien sûr, des fois, c'est pas possible. Donc, des fois, ils vont faire ce que, il peut y avoir des textes abrogeants et abrogés. Des textes qui sont ce qu'on appelle les nesr ou le mansour. Un texte qui a été abrogé par un autre. Il y avait un hukm, ce hukm-là, il est plus valable. C'est le nouveau texte qui va donner le hukm sur cette parole-là ou sur cet acte-là. Ou des fois, comme ils savent pas que l'un ou l'autre est abrogé ou abrogeant, ils vont faire ce qu'on appelle, tarjih. Tarjih, c'est-à-dire que dire que un texte est plus juste que l'autre. Et donc, de délaisser ce texte qui est ce qu'on appelle marjou. Mais la base, c'est qu'ils essayent de rassembler les textes. Et de donner à chaque texte son droit. Et d'émettre un hukm qui convient qu'on peut comprendre de tous les hadiths ou de tous les nusus qu'on a réunis dans ce sujet-là. Ce qu'il fait ici, c'est ce qu'Ibn al-Qayyim là, il fait concernant les hadiths de l'Kayyim. Donc il dit que le fait que le Kayyim ait été pratiqué à la base, ça indique la permission. Là, on l'a pas dans le livre, là, je l'ai pris de Fath al-Majid. والفعل يدل على الجواز sa parole elle commence comme ça الفعل يدل على الجواز le fait que le kay il a été pratiqué والله اعلم dans ces hadith là on n'a pas vu que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pratiqué ensuite ceux qui l'ont pratiqué comme Anas ibn Malik qui souffrait de ce qu'on appelle zatul janb et Ubay ibn Ka'b même s'ils l'ont pratiqué, ou il a été pratiqué sur eux, on peut comprendre aussi qu'il a été pratiqué sur eux sans qu'eux le demandent. Ça revient, ou sans même qu'ils le sachent. Et si quelqu'un, il est blessé dans le jihad, une blessure grave, il est au sol, il est entré à un médecin qui vient le soigner, il sait même pas ce qu'on lui fait, il est même pas au courant de ce qu'on lui fait. Donc, avec cette compréhension-là, ça contredit pas le fait que ces gens-là ils aient les caractéristiques des 70 000. Ensuite, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pratiqué ces choses-là. Il dit, le fait qu'il l'aime pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'aime pas le kay, la pratique de le kay, il dit, ça n'indique pas que c'est haram. Ça n'indique pas que c'est interdit. La preuve en est, autre délire, comme on l'a dit avant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans le kay, il y a une guérison dans le kay, dans la cautérisation. Et si c'était haram, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas mis un remède dans quelque chose qui est haram. Ça, c'est une base. C'est une base. Ensuite, il dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas dans le hadith du chapitre, il est complimenté celui qui le délaisse, ça montre que le fait de le délaisser, c'est mieux. C'est mieux. Non. Et à la fin, il dit, et quant à l'interdiction, il dit, c'est « ala sabil al-ikhtiyar wal-karaha ». Il dit que l'interdiction, elle indique, il dit « ala sabil al-ikhtiyar », ce qui veut dire « Allahu alam », là, c'est quelqu'un qui choisit par lui-même de faire le kay. C'est pas quelqu'un, on lui fait le kay sans qu'il ait rien demandé, il n'a pas choisi, on lui fait le kay parce qu'il est dans un état tel qu'il faut pratiquer le kay pour refermer une plaie vraiment très ouverte qui saigne beaucoup, quoi, comme on a dit, comme dans le cas de dans le djihad ou quoi. Si on regarde les deux hadiths qu'il a cités concernant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un médecin à Ka'b, à Ubay ibn Ka'b, et le tabib, il a pratiqué sur Ka'b, il a pratiqué le kay. Est-ce que Ubay ibn Ka'b, il a demandé ça? Est-ce qu'il était d'accord, etc.? On ne sait pas. C'est pas clair dans le hadith. Et on voit aussi que Anas ibn Malik, kouya Anas ibn Malik, kouya. On ne sait pas dans quelle situation il a fait ça. Ou alors, cette interdiction-là, que le professeur Salam, quand il a dit, Anaha ummati anil kay, j'interdis ma umma de la cautérisation, ça, cette interdiction-là, même si à la base, dans le usuliyoun, comment on comprend les textes du Coran et de la Sunna, à la base, quand Allah Jalla wa Ala, il utilise le nahy, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise un nahy dans sa parole, c'est pour l'interdiction, haram. Mais là, on a d'autres délits extérieurs qui nous montrent que cette interdiction-là, c'est pas une interdiction, c'est pas un ordre d'interdiction, mais de karaha. Ça nous indique que c'est blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il interdit sa umma, mais d'un autre côté, ça a été pratiqué. Donc on voit que c'est quelque chose qui est makruh. Donc, Allahu alam, pour résumer, al-kay, Allahu alam, ce qu'on peut en tirer, al-kay, c'est un sabab qui est makruh. Il y a d'autres savants qui expliquent ça, pourquoi, comment. Ils disent parce que le kay, contrairement à la ruqya, le kay, la cautérisation, c'est quelque chose de douloureux. On t'applique un métal chaud, du moins dans leur temps, même encore aujourd'hui, Allahu alam, à part s'ils endorment, moi je ne sais pas, ils appliquent un métal chaud sur la peau directement. Ça, c'est très douloureux pour fermer la plaie. Donc, la douleur qui est causée par le kay, ça, elle est sabita. Ça, c'est sûr qu'elle va te toucher et que tu vas souffrir de cette douleur. Par contre, la guérison, ça, c'est pas sûr. Allahu alam, peut-être tu vas guérir, peut-être tu vas pas guérir. Donc, c'est le fait d'échanger un mal qui va te toucher, un mal qui est certain, c'est-à-dire le kay, la cautérisation, le métal chaud appliqué sur la plaie, pour quelque chose qui, peut-être qu'Allah te guérira par ça, peut-être que non. Donc, là, ils ont expliqué ça comme ça. Pourquoi c'est macro? À cause de ça. Allahu Donc, il dit, pour revenir à la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit donc que le fait de délaisser le kay, c'est mieux et c'est quelque chose qui est plus dans la réalité, qui est plus complète et plus parfaite dans la réalisation du tawhid. Que pour réaliser le tawhid complet, comme on le voit dans notre hadith là, le hadith du chapitre, il faut délaisser cette chose-là. Et là, il dit autre chose, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est comme si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont ceux qui ont voué leurs actes et leur culte vraiment de manière pure pour Allah jalla wa ala. Et qui ont même délaissé des choses au sujet desquelles il n'y a pas de mal. Là, on dirait qu'il parle de la parole qui est, si on prend la base que le kay, c'est moubah, c'est permis. C'est-à-dire qu'ils vont même délaisser des choses au sujet qu'il n'y a pas de mal, de peur à tomber dans des choses qui sont pas permises. C'est-à-dire le fait de délaisser certaines choses, comme c'est connu chez les salafis, délaisser certaines choses qui étaient permises de peur à le fait de faire souvent ou de pratiquer souvent ces choses permises, que ça les pousse au final à faire des choses qui sont blâmables. Donc ils délaissaient, comment ils appelaient ça, iksara, ou le taksir min al-mubahat. Le fait de faire telle chose, c'est permis. D'accord. Quelqu'un, il va la faire souvent, tout le temps, au bout d'un moment, ça va le pousser à aller dans le blâmable. Donc, il délaissait même des choses qui étaient permises. Ça, Allahu alam, c'est si on dit que le kay, à la base, c'est permis. Si on dit que le kay, c'est moubah, alors on comprend le hadith de cette façon-là. Mais si on comprend que c'est makruh, alors c'est le fait que, comme on l'a dit au début, la différence entre al-muqtasid et sabiqun bil khayrat, c'est que al-sabiq bil khayrat, en plus de faire les obligations et de délaisser les interdictions, il va délaisser les choses blâmables. Et là, ça rentrerait dans cette compréhension, Wallahu alam, c'est plus juste. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand même, j'interdis ma umma el kay. J'interdis à ma communauté la cautérisation le kay. Comment on peut comprendre que c'est mubah? C'est un peu le ba'id d'Allah. Et là, il dit, pour revenir à ce qu'on a dit avant, فَمَنْ تَرَكَهَا تَوَكُّلًا تَوَكُّلًا لَا تَجَلُّدًا وَلَا تَصَبُّرًا فَهُوَ مِنْ كَمَالِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ وَمَنْ تَرَكَهُمَا تَجَلُّدًا وَتَصَبُّرًا لَمْ يَكُونَ تَرْكُهُ مِنَ التَّوْحِيدَ فِي شَيْءٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَحْقِيقِ. Donc là, ça revient à ce qu'il a dit, ce que je disais avant. Il dit, celui qui laisse la demande de ruqya, encore une fois, c'est pas la ruqya. Quelqu'un, par exemple, qui a été touché par un mal et qui se fait une ruqya lui-même, c'est très bien. Il y en a même qui disent que la ruqya qu'on se fait à soi-même, c'est la plus efficace. Quelqu'un qui fait une ruqya à soi-même, qui récite les versets sur soi-même, ou c'est le fait de réciter le Coran sur de l'eau, de la boire, ou le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, etc., directement pour soi-même, il y en a qui disent que c'est la ruqya qui est la plus efficace. Donc celui qui pratique la ruqya, donc celui qui délaisse le fait de demander la ruqya, et qui délaisse le kay, la cautérisation, et là il dit tawakkulen. Tawakkulen, c'est le sens dans ce hadith-là. C'est-à-dire pourquoi il délaisse ces choses-là, qui à la base sont makruha, elles ne sont pas muharrama, c'est pas haram, c'est makro. Il va délaisser le makro et il va placer sa confiance en Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il va délaisser ses sabab, qui sont à la base, qui sont makro, mais c'est des vrais sabab. C'est-à-dire, s'il les utilise, peut-être qu'Allah jalla wa alayhi va le guérir par ces sabab-là. Ce n'est pas des sabab qui sont haram, c'est des sabab qui sont makro. Il pourrait les utiliser, mais il va les délaisser et se reposer, placer sa confiance en Allah seul, jalla wa alayhi, pour qu'il le guérisse. Donc c'est bien tawakkulan. Il dit tout ça qu'il dit après, la tajalludan wa la tasabburan. C'est-à-dire, c'est pas pour goûter à la douleur ou pour patienter sur la douleur, etc. Ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet, mais ça ne rentre pas dans l'accomplissement du tawhid. Il dit, فَوَا مِنْ كَمَلِ تَحْقِقِ التَّوْحِيدِ وَمَنْ تَرَكَهُمَ تَجَلُّدًا وَتَصَبُّرًا لَنْ يَكُونَ تَرَكُهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ فِي شَيْءٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَحْقِقِهِ. Ça ne rentre pas dans le tawhid, ça. Le fait de patienter quelqu'un, même ça rentre dans les obligations, parce que la patience, c'est une obligation. Mais ça ne rentre pas dans l'accomplissement du tawhid, dans le sens où il patiente sur sa douleur, mais il ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jal pour la guérison. Celui qui vraiment, le kamal al-tawhid, c'est le fait de délaisser le sabab, même s'il est macro, je délaisse le sabab macro, que je pourrais utiliser, surtout si je suis dans un cas de nécessité, et je le délaisse et je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est pour ça qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tawakkul à la fin des quatre caractéristiques. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Parce que cette sifat-là, elle regroupe, ou alors du moins c'est la base de tout ce qu'il a cité avant. لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Non. Ensuite il dit وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas, il n'utilise pas ce qu'on appelle at-tiyara. Il dit ay la yatasha'amuna bit-tayr wa nahwiha wa ya'ti bayan at-tiyara fi babiha insha Allah ta'ala. Ici donc il n'utilise pas at-tiyara. At-tiyara, c'est le fait de, comme on l'a dit avant, de se baser sur le mouvement des oiseaux, sur leur cri, etc., pour déterminer certaines choses. Par exemple, comme on le verra dans Baba Tiara, On voit souvent comme ça une masse de pigeons là dans les centres-villes et tout. Ils sont amassés sur un trottoir en train de grignoter des bouts de pain là qui traînent. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils viennent, ils mettent un coup de bâton. Si le tas de pigeons il part à droite, il utilise ça comme symbole pour dire, par exemple, si c'est des voyageurs ou qui cherchent leur route ou quoi, il utilise ça pour dire comme symbole, ah, on va partir à droite. Ou le khayr, il est vers la droite, il n'est pas vers la gauche. Vers la gauche, il y a le chat. Des choses comme ça. Ou un oiseau, il passe en criant, il dit, ouais, ça indique ceci ou cela. Ben, ils prennent ça comme symbole pour déterminer des choses qui se passent sur la Terre. Et ça rentre, c'est une sorte de shirk asrar. Donc on en retire quoi, ce qu'il dit après? Fatarakou shirk ra'san. ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألون الرقية فما فوقها. C'est-à-dire que Tiara, comme Tiara, c'est une sorte de shirk, shirk Ashar, on voit qu'ils ont même délaissé le shirk Ashar. Ils délaissent le shirk Akbar évidemment, puisque là on est en train de parler de tahqiq al-tawhid. Quelqu'un qui ne délaisse pas le shirk Akbar, il n'a même pas l'asl al-tawhid. Il est mushrik. Mais ils délaissent Tiara, c'est-à-dire qu'ils délaissent le petit shirk avec le grand shirk. ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألون الرقية فما فوقها. Et ils ne se dirigent vers personne d'autre qu'Allah Jalla wa'ala pour répondre à leurs besoins. Même pas par la demande de الرقية. وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. Et ils délaissent le كي, la cautérisation. Même si à la base, c'est pourquoi? C'est pour la guérison. C'est pour la guérison. Il délaisse le sabab qui est makruh, comme Allah dit, Wallahu alam, le plus juste, c'est que c'est makruh, comme le fait de demander la ruqya. Il délaisse ce sabab-là, et qu'est-ce qu'ils font? Il dit, Walhamil lahum ala zalik, quwwatu tawakkulihim ala Allah. Est-ce qui les pousse à ceci? À faire ceci? C'est la force de leur confiance en Allah, de leur tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwid umurihim ilay wa thiqatuhum bih. Et le fait de placer leur ou de remettre leur sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et de placer leur confiance en lui. Wa ridahum an. Et le fait d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé, de qadar. Wa sidq al-iltija ilay. Et le fait d'être véridique dans le fait de placer sa confiance et dans le fait de se reposer en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde dit, moi je tawakkul, tawakkul ceci, tawakkul cela. Mais dans le masaïb, quand il y a des choses comme ça qui vont nous atteindre, ces gens-là, ils ont sidq al-iltija, c'est-à-dire il est véridique dans ce qu'il dit. Il va délaisser ces sababs-là qui sont makruh alors qu'il pourrait les utiliser tawakkulan ala Allah. Par tawakkul, par confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle sidq al-iltija. Pas juste dire par la bouche, oui, tawakkul, tawakkul, mais bon, derrière, il n'y a rien. Il dit, wa huwa al-aslu al-jami' alladhi تفرعت عن تلك الأفعال والخصال. Et comme on l'a dit avant, le tawakkul, c'est la base sur laquelle se reposent ces actes, ces choses qu'il a citées avant. لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Tawakkul, c'est la base dans le délaissement de ces choses-là. دي وعطفه على تلك وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك. C'est-à-dire qu'il a annexé وعلى ربهم يتوكلون. On l'appelle وهو عطفة. Et là, il a cité quelque chose. Il a cité un tawakkul, ça c'est عام. C'est un sens global. Et il l'a cité après avoir cité des choses bien précises. Ça, il dit, c'est Mimbab idafat al-am ala al-khaf. C'est-à-dire, On va annexer, on va dire, il y a ceci, il y a ceci et cela. Et la dernière chose qu'on dit, c'est quelque chose qui est global et qui englobe les choses qui ont été citées avant. Ça va cool, ça englobe le fait de délaisser la demande de ruqya, ça englobe le fait de délaisser la cautérisation et de s'écarter de At-Tiyara. Donc, tawakkul, c'est quelque chose qui est plus global. Ça englobe, c'est la base de ces trois choses. Le hadith dit là, il y a deux noms. Ça, c'est quelque chose d'important aussi concernant le chapitre de Tawakkul. Il dit le hadith là, il y a deux noms. Ala annahum la yubashiruna al-asbab aslan. Fa'inna mubasharat al-asbab fil jumla amrun fitriyun daruriyun. Bel nafs tawakkul mubasharatun li'a'zami al-asbab. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء وما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل فليكن تركه مشروعا لما في الصحيحين ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له الشفاء علمه من علمه وجهله من جهله وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند يا عباد الله تداووا وتداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له الشفاء غير داء واحد قالوا ما هو يا رسول الله قال الهرم الهرم Et le tawakkul, ça c'est quelque chose d'important. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah et de se reposer sur Allah Jalla pour repousser un mal ou pour acquérir un bien, ça ne rejette pas, ça ne contredit pas le fait de pratiquer les causes. Ça qui est voulu par Mubasharatul Asbab, ça ne contredit pas le fait de pratiquer les causes. C'est-à-dire que, comme il le dit ici, le fait de pratiquer les causes, c'est à la base, c'est quelque chose qui est fitri. Quand j'ai froid, je vais mettre un manteau. Mais ça, c'était juste un sabab. Allah Jalla wa Ala, il va créer derrière que je me réchauffe par ce sabab-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est fitri. Quand j'ai faim, je mange. C'est Amrun Fitri. C'est ça qui veut dire par Amrun Fitri Daruri. Et aussi, les ulama, ils disent que, comme on va le voir après, Allahu A'lam, dans la parole d'Ibn al-Qayyim, le fait de simplement prétendre Tawakkul sans faire les causes, ça c'est quelque chose qui contredit l'aql, ça contredit la raison, et ça contredit aussi la charia. Allah Jalla wa Ala, il nous a ordonné le combat, de combattre les kuffars. Par les armes. L'insan, le mu'min, lorsqu'il sort combattre les kuffars, est-ce qu'il sort en tenue de loisir ou est-ce qu'il sort avec son armure et ses armes? Donc, l'aql, la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, elle nous indique qu'il va sortir avec ses armes et avec son armure et qu'il va préparer un plan de bataille, une stratégie d'attaque, etc. Et ça contre, donc ça c'est pour l'aqli. Pour le shar'i, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa'iddu lahum ma stata'atum min quwwa. Et préparez pour eux, pour les rencontrer, ce que vous pouvez comme force, comme arme, pour les combattre. Allah Jalla wa ala, il nous ordonne de faire les sabbats. C'est pas juste un tawakkul sans sabab. Ça, c'est bâtil. Il dit, nafs tawakkul mubasharat al-asbab. C'est-à-dire, il dit que le tawakkul, à la base, c'est un sabab. Le tawakkul, c'est un sabab pour obtenir de la part d'Allah Jalla wa Ala ce qu'on veut. Ou pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse un mal qui allait nous toucher. Ça, c'est tawakkul en lui-même, c'est un sabbat. Ils disent ce qui est voulu, c'est le fait de délaisser des sabbats qui sont macro. Et là, ici, il le met. يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى. C'est le fait de délaisser des sababs, des causes qui sont à la base blâmables, macro, comme l'istirqa ou l'iktiwa. Comme le fait de demander une ruqya à quelqu'un, on l'a vu. Pourquoi? Parce que le fait de demander quelque chose à quelqu'un, c'est détourner son cœur d'Allah Jalla wa Ala et de montrer son besoin envers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'iktiwa, on l'a vu, on a cité une cause parmi les causes que les ulama ont citées, d'une manière globale. On voit dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le kay. On a vu que cette interdiction, c'est une interdiction de karaha, c'est-à-dire que c'est blâmable. Et donc, c'est le fait de délaisser ces choses-là alors qu'on en a besoin. À un moment où on a vraiment besoin, on est touché par le mal, on a besoin de ces remèdes-là, de ces sebebs-là, mais ils sont macro. Donc on les délaisse et on s'en repose à Allah subhanahu wa ta'ala. On se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ce qui est voulu dans ce chapitre-là. C'est ça qui est voulu dans ce chapitre-là. Par contre, le fait d'utiliser des sebebs qui sont permis, comme les médicaments, s'ils sont permis, ça contredit en rien le tawakkul et ça contredit pas le tahqiq et le tawhid. Quelqu'un qui a un mal de tête et qui prend d'afalgan là ou du paracétamol pour qu'Allah Jalla wa Ala, par ce sebeb là qui est un sebeb permis, comme on le verra dans des chapitres plus loin, on parlera plus en détail sur les sebeb inshallah. Mais les médicaments à la base qui sont permis, qui contiennent pas de haram, qui sont pas macro, le fait de les utiliser et de placer sa confiance en Allah Jalla wa Ala pour qu'il nous guérisse, la guérison elle vient pas du médicament, c'est juste un sabab, mais le fait d'utiliser ce sabab là, ça ne contredit en rien tahqiq al-tawhid. Ça ne contredit pas le fait de réaliser le tawhid complet qui permet à la personne de jouir de cette récompense, c'est-à-dire de faire partie des 70 000 ou de ces 70 000 fois 70 000 qui rentrent au paradis sans châtiment et sans même jugement. La preuve en est, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est dans Sahihain, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a créé aucune maladie sans qu'il ait créé son remède. Le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. C'est-à-dire que n'importe quelle maladie, Allah Jalla wa Ala, il a créé son remède. Sauf qu'il y a des remèdes qu'on connaît pour certaines maladies, il y a certaines maladies qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le remède. Mais il existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et l'imam Ahmed aussi, il ramène un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adressé aux compagnons, il a dit « Oh, serviteurs d'Allah, soignez-vous. » Tadawu. Ici, c'est un fi'al amr. Ou l'amr yaqtadi l'wujub. Après, il y a un khilaf entre les ulama. Ici, c'est un verbe à l'impératif. L'impératif, à la base, il indique l'obligation. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire de soigner? Il y a un khilaf entre les ulama. Il y en a qui disent, ils utilisent d'autres hadiths pour montrer que le fait de soigner, comme avant pour le kay, ils vont chercher les autres textes qui concernent al-tadawi, le fait de soigner, pour mettre un hukm. Et il y en a certains qui disent que c'est mustahab, d'autres qui disent que c'est mubah, etc. À la base, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un ordre, mais il y a d'autres hadiths où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith, Allah Alam, il est rapporté dans Sahih Muslim. Une femme noire est venue voir le prophète sallam. Elle était noire de couleur, certainement une éthiopienne qui venait de l'Abyssinie. Et elle était atteinte de ce qu'on appelle en français l'épilepsie, les crises d'épilepsie. Si bien qu'elle tombait par terre. Et l'épileptique, on voit, il bouge dans tous les sens, il y a un problème dans son cerveau, subhanallah, et ses membres, ils bougent n'importe comment, et elle se découvrait, des fois, ça découvrait sa aura. Et elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour elle. Et le prophète sallam, il a dit, je peux t'indiquer mieux. Si tu patientes, alors Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera par le paradis. Et elle a dit, d'accord, je patiente, mais alors invoque Allah pour moi que je ne me découvre pas lorsqu'elle a ses crises. Et il a invoqué Allah pour elle. Donc ça montre que là, le prophète sallam, il aurait pu la soigner avec une doua. Il aurait pu invoquer Allah azzawajal. Et Allah a guéri cette femme. Elle peut, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut la guérir. Encore avec ce sebeb-là, min aqwal asbab, du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il lui a indiqué une chose, mieux le sabr, la patience. Et donc on voit que, est-ce que la guérison elle est obligatoire, est-ce que le fait de prendre le médicament, oui, il est obligatoire. Et ils ont tiré de ce hadith-là que non. Donc ils prennent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre, soignez-vous, mais ils ramènent l'autre hadith. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette femme, patience, c'est mieux. Donc, ils rassemblent les textes et ils mettent un hukm dessus. Ils vont dire mustahab. L'ordre ici dans le hadith, tadawaw. Ya ibadallah tadawaw. Ada yadullu ala ya'ani al-istihbab. La'ala al-wujub. C'est pour ça que c'est important de réunir les hadiths. Et c'est pour ça aussi que l'ijtihad, on voit là, l'ijtihad, c'est pas n'importe quoi. Il faut connaître tous les textes qui concernent un sujet. Ensuite, des fois, parmi les textes, dans les textes, il y a des hadiths qui sont daïfs. Il y en a d'autres qui sont, les ulama ils vont diverger. Un il dit daïf, l'autre il dit sahih. L'autre il va dire celui-là il abroge l'autre. L'autre il va dire non, il abroge pas. L'autre il va dire ça c'est. Et voilà, c'est ça le mujtahidin, c'est ça. Ou alors il va dire, ouais, dans tel hadith, ce mot-là en arabe il veut dire ça. L'autre il va dire non, il veut pas dire ça, il veut dire ça. Donc on voit ici la difficulté de l'ijtihad et que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et qu'en tous les cas, concernant At-Tadawi, c'est-à-dire le fait, l'utilisation de médicaments qui sont permis ne contredit en rien Tahqiq At-Tawhid. Ça ne contredit pas le fait d'accomplir le Tawhid complet. Vous voulez dire ici. Et le Prophète sallam dit dans la fin du hadith que Allah Jalla wa Ala, il n'a pas créer une maladie sans créer son remède à part une seule. Ils ont demandé laquelle, il a dit la vieillesse. La vieillesse, c'est-à-dire tout le monde vieillit. Ça, c'est Allah, il a voulu que ça soit comme ça, il nous a créé comme ça. Tout le monde vieillit et on appelle ce qu'on appelle mourir de vieillesse, etc. Les gens qui sont très vieux, ils meurent, ils sont. C'est comme une maladie dont tout le monde meurt. Il n'y a pas de remède comme ça. Même les messagers, ils meurent, ils sont touchés par la vieillesse, oui, s'ils ne sont pas morts avant. وقال ابن القيم رحمه الله وترمينا بك وقد تدمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لينافي توكل كما لينافيه دفع ألم الجوع والعطش بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب وتعطلها يقدح في توكل فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. طيب ابن القيم dit encore une fois on regroupe tous ces hadiths. Donc on voit encore le manhaj des ulama, toujours regrouper les textes. Il dit on voit que il y a dans ces hadiths une preuve sur les sabab, sur les causes et sur les conséquences. Qu'il y a des causes à faire et qu'il y a des conséquences qu'Allah Jalla wa Ala, il crée par ces sebebs-là. Mais lui-même, c'est lui qui crée le sebeb, il crée la conséquence. Et on voit aussi, il dit, l'ordre de se soigner. Même si, encore une fois, il y a un khilaf entre les ulama, est-ce que c'est obligatoire de se soigner ou pas, comme on l'a dit comme par exemple le hadith de cette femme dont on a parlé, et le fait de se soigner ne contredit pas le tawakkul. Il dit là, il cite un exemple qu'on a cité avant, comme le fait de manger lorsqu'on a faim. La faim, ça provoque une douleur, ça provoque un besoin. On va utiliser ce sebeb-là, qui est le fait de manger, pour soigner, pour éteindre cette sensation de faim, cette douleur. C'est la même chose. Ou de soif. Il dit, mais même l'accomplissement du tawhid ne se fait qu'en utilisant les causes. L'accomplissement du tawhid ne se fait qu'en utilisant les causes. Et le fait de délaisser les causes complètement, il dit ça, c'est ça qui va avoir un impact sur le tawakkul de la personne. Et son tawakkul, il est faux. Il n'est pas shar'i. Il dit alors que le serviteur ne fasse pas de son incapacité, que le serviteur ne fasse pas de son incapacité du tawakkul, et qu'il ne fasse pas de son tawakkul une incapacité. Ça veut dire quoi? Quand il dit فَلَا يَجْعَلُ الْعَبْدِ فَلَا يَجْعَلِ فَلَا يَجْعَلِ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوَكُّلًا, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de son incapacité du tawakkul. Ça, c'est quelqu'un qui va délaisser les causes. Le gars, il veut être talib, il veut la science, il veut acquérir la science shar'i. Il s'assoit dans son canapé et il invoque Allah Azza wa Jal. Dieu Allah, donne-moi la science. Et le gars, il n'ouvre jamais un cours, il n'ouvre jamais un livre, il ne s'assoit jamais pour écouter un dars, il ne fait rien, et il lève les mains au ciel et il invoque Allah, oh Allah Azza wa Jal, donne-moi la science, comme tu l'as donné au messager. Il croit qu'il y a un ange qui va venir lui révéler quelque chose ou. Non, ça c'est batil, ça c'est pas du tawakkul. Et la deuxième chose, c'est وَلَا تَوَكُّلَهُ عَجْزًا, et qu'il ne fasse pas de son tawakkul une incapacité. Ici, ce qui est voulu, c'est la deuxième règle qui est importante dans le tawakkul. Certes, il faut utiliser les causes. Il faut prendre les causes, comme on l'a dit avant. Mais il ne faut pas se reposer sur les causes. C'est-à-dire que le serviteur, il utilise une cause. Comme si on reprend l'exemple du djihad. Il met son armure, il prend ses armes, il met en place sa stratégie de guerre. Il va rencontrer l'ennemi. Est-ce qu'il s'appuie là-dessus pour obtenir la victoire? Non, il s'appuie sur Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui va lui donner la victoire. Qui va lui donner la victoire? Parce qu'il a aussi, il a utilisé ces sababs-là qu'Allah Jalla wa Ala lui a ordonné de faire. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, et préparez pour eux ce que vous avez de force, d'armes. Ça, c'est un sabab qu'Allah Jalla wa Ala il a ordonné. Celui-là, il fait le sabab. Il obéit à Allah Azza wa Jal, il va au combat et il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne la victoire. Qu'Allah Ta'ala وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, et la victoire elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne vient pas du nombre, elle ne vient pas de l'équipement, etc. Ça c'est tawakkul. Donc il y a les deux choses, il y a le fait d'utiliser les asbab, les causes permises, on verra qu'il y a des causes qui sont haram, et le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal pour obtenir ce qu'on veut. Comme dit Ibn al-Qayyim, فَلَا يَجْعَلِ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوَكُّلًا, c'est-à-dire que celui-là il délaisse toutes les causes et il espère obtenir ce qu'il veut. وَلَا تَوَكُّلَهُ عَجْزًا, c'est-à-dire il a fait les causes mais il se repose sur les causes. Ça c'est une sorte de shirk asghar. Il sait que c'est Allah Jalla wa Ala qui va lui donner la victoire, mais il oublie de se reposer sur Allah Azza wa Jalla. Pour lui, il s'est préparé, il a tout fait, c'est bon, classe, il va obtenir la victoire. Non, c'est pas comme ça. Il faut les deux choses et l'une ne contredit pas l'autre. Donc, on va arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On terminera le hadith la prochaine fois et on rentrera dans le quatrième bab, Inch'Allah, ta'ala, babul khawf min shirk, la peur, le chapitre de la peur du shirk. نعم نغسل إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.